Histoire d'un petit papillon qui cherchait un ami. Il fait très beau. Le soleil brille dans le grand ciel bleu. Un petit papillon blanc papillonne au-dessus d'une touffe de lavande. En quête d'un ami, il s'est levé tôt ce matin, le petit papillon blanc, et il est parti. Oui, il est parti tôt le matin, le tout petit papillon blanc. Et voilà qu'il aperçoit, sur un pyracantha voisin, un fabuleux papillon, tout d'or vêtu. Timide, le petit papillon s'approche, voltige quelque temps à ses côtés, puis s'enhardit. « Que tu es beau, mon roi, avec tous ces fils d'or que le soleil a tressés sur tes ailes. Veux-tu être mon ami ?» Le papillon, tout d'or, vêtu, le toise. « Moi ? Moi, ton ami, moi, l'ami d'un si petit papillon tout palichon. Tu plaisantes. Passe ton chemin, petit. » Et virevoltant, laisse tomber là le petit papillon blanc pour atteindre tout là-haut, les rayons d'or du soleil. Le petit papillon blanc, le tout petit papillon blanc, ne le quitte pas des yeux tant qu'il n'a pas disparu, et de se retrouver tout seul comme il est triste. Continuant son chemin, en voltant, bien entendu, il arrive à une orangerie. Et voilà qu'il aperçoit sur le bel oranger de l'orangerie un superbe papillon tout de bleu vêtu. Timide, le petit papillon s'approche, voltige quelque temps à ses côtés, puis s'enhardit. « Que tu es beau, mon prince, avec tous ces lambeaux d'azur que le ciel a déposés sur tes ailes. Veux-tu être mon ami ?» Le papillon, tout d'azur vêtu, le toise. « Moi, ton ami, moi, l'ami d'un si petit papillon tout palichon. » « Tu plaisantes. Passe ton chemin, petit. » Et virevoltant, laisse planter là le petit papillon blanc pour se fondre tout là-haut, dans le grand ciel bleu. Le petit papillon blanc, le tout petit papillon blanc, ne le quitte pas des yeux tant qu'il n'a pas disparu. Et de se retrouver tout seul, comme il est triste. Continuant son chemin, en voltant bien entendu, il arrive auprès d'une clématite qui montait à l'assaut d'un vieux mur. Et voilà qu'il aperçoit sur la plus haute feuille, au plus haut du vieux mur, un magnifique papillon tout de couleur vêtu. Timide, le petit papillon s'approche, voltige quelque temps à ses côtés, puis s'enhardit. « Que tu es beau, mon seigneur, avec toutes ces couleurs que l'arc-en-ciel a peint sur tes ailes !» « Veux-tu être mon ami ?» Le papillon, tout de couleur vêtu, le toise. « Moi, moi, ton ami, moi, l'ami d'un si petit papillon tout palichon. Tu plaisantes, passe ton chemin, petit. » Et virevoltant, laisse planter là le petit papillon blanc pour se percher tout là-haut, sur l'arc-en-ciel. Le petit papillon blanc, le tout petit papillon blanc, ne le quitte pas des yeux tant qu'il n'a pas disparu, et de se retrouver tout seul, comme il est très triste. Continuant son chemin, en voltant bien entendu, il arrive devant une haie d'épines blanches qui embaumait à tout lieu à la ronde. Et voilà qu'il aperçoit sur la plus belle branche de l'aubépine blanche un étrange papillon tout de noir vêtu. Timide, le petit papillon s'approche, voltige quelque temps à ses côtés, puis s'enhardit. « Oh, que tu es beau, mon prince, avec toutes ces ombres que la nuit a laissées tomber sur tes ailes. Veux-tu être mon ami ?» Le papillon, tout d'ombre vêtu, le toise. Moi, moi, ton ami, moi, l'ami d'un si petit papillon tout palichon. Tu plaisantes, passe ton chemin, petit. Et virevoltant, laisse planter là le petit papillon blanc pour se noyer là-haut, tout là-haut, dans la nuit noire. Le petit papillon blanc, le tout petit papillon blanc, ne le quitte pas des yeux tant qu'il n'a pas disparu. Et de se retrouver tout seul, comme il est très triste, le petit papillon blanc. Le tout petit papillon blanc ne continue plus son chemin, même en voletant, bien entendu. Il reste là, enfoui dans une touffe de myosotis. Il aime le bleu. Il attend. Et alors, un autre petit papillon blanc, un autre petit papillon blanc tout palichon, vient se poser. Oh, petit papillon, que fais-tu là, enfoui dans les myosotis, sans soleil, sans lumière? Le petit papillon blanc tout palichon répond. Le papillon tout d'or vêtu n'a pas voulu de moi. Le papillon tout de bleu vêtu n'a pas voulu de moi. Le papillon tout de couleur vêtu n'a pas voulu de moi. Le papillon tout d'ombre vêtu n'a pas voulu de moi. Alors, regarde-moi, lui répond le petit papillon blanc, nous sommes pareils. Viens avec moi, allons butiner les fleurs avec les abeilles. Et les deux papillons, tous de blanc vêtus, partirent ensemble, là-haut, tout là-haut, pour se fondre dans les nuages blancs.